Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Montaigne, philosophe du doute et inventeur de l'essai. C'est un philosophe aimable parce qu'il y a des philosophes qui ont été responsables de bien des malheurs dans le monde, de guerres, d'assassinats, de choses comme ça. Et Montaigne fait partie de ces philosophes extraordinaires pour lesquels on ne s'est jamais entretué. Voyez. Et plus je vieillis, plus je trouve que c'est le critère de la vraie philosophie. Dis-moi si on a tué pour ton livre et je te dirai si ton livre est bon. Le philosophe français Michel Serres à propos de Montaigne à l'émission belge « Dites-moi » diffusée en 1991. Philosophe aimable, dit Michel Serres dans cet extrait à propos de Montaigne. L'expression est belle, assez juste également, car il est vrai que dans ses écrits, autant que dans ses missions plus politiques, Montaigne est toujours du côté de l'humanisme. C'est un philosophe dont j'estime, après avoir lu pas mal de ses contemporains, mais aussi pas mal de ses suivants, qu'il est majeur parce qu'il a rendu possible toute la philosophie française. C'est un philosophe qui écrit simplement, clairement, qui est capable d'aborder des sujets très concrets, son corps, la vie, l'amour, la mort. Il aborde un accident de cheval, qui était son père. Enfin, c'est une pensée extrêmement concrète qui permet de déboucher sur des théories générales, sur de l'universel, alors que la philosophie française qui s'inaugure avec Montaigne jusqu'à des philosophes contemporains permet d'aborder des questions concrètes et simples. Et il me semble que quand on a lu Montaigne, on a découvert que finalement, il rendait possible la totalité de la philosophie française jusqu'à ce jour. Et d'une certaine manière, cette nouvelle traduction donne l'impression que Montaigne nous parle à l'oreille et que de la même manière qu'il a dicté les essais, eh bien, nous pouvons, en lisant la traduction de Bernard Combault, entendre un Montaigne qui nous raconterait les essais. Ça devient fluide et simple, c'est comme une conversation qui nous permet de dialoguer, d'échanger ou du moins d'écouter Montaigne comme un contemporain. Le philosophe et essayiste français Michel Onfray parle de Montaigne dans une vidéo produite par les éditions Robert Laffont au moment de la parution d'une nouvelle édition des Essais de Montaigne en 2019. Pour nous présenter le parcours et l'œuvre de Montaigne, je reçois Claude Lacharité, qui est écrivain, professeur de lettres à l'Université du Québec à Rimouski. Claude Lacharité, bonjour. Bonjour, M. Beauchamp. Quand on parle de Montaigne, à quoi pense-t-on d'abord et avant tout? Qu'a retenu d'abord et avant tout l'histoire de Montaigne? Je pense que Montaigne, c'est d'abord et avant tout l'auteur des essais, hein, donc ce magnifique recueil de textes réflexifs qui paraît pour la première fois en 1580. Et Montaigne lui-même avait tendance à considérer qu'il ne faisait qu'un avec son livre. Il considère que son livre est consubstantiel à l'individu qu'il était et un compliment que le roi Henri III lui adressait. Montaigne aurait, semble-t-il, répondu la chose suivante. « Il faut donc nécessairement que je plaise à votre majesté puisque mon livre lui est agréable car il ne contient autre chose qu'un discours de ma vie et de mes actions. Ouais. Et c'est en soi, ça aussi intéressant, quand on est professeur de littérature, entre autres, parce que c'est quelqu'un, avec les essais, il crée d'une certaine manière un nouveau genre. Il y a l'autoportrait auquel vous faisiez référence, mais l'essai aussi. Ces essais, c'est peut-être le premier des essais. Effectivement, il invente un genre littéraire évidemment, va inaugurer, qui va connaître une fortune exceptionnelle jusqu'à nos jours, avec des essayistes aussi réputés que Pierre Vadeboncœur, par exemple, si on pense à la littérature québécoise. Mais on peut dire que Pierre Vadeboncœur, d'une certaine façon, c'est l'héritier de Montaigne pour ce qui est de la pratique de ce genre littéraire de l'essai. Oui. Alors, évidemment, ces essais occupent une place très, très importante dans le parcours et dans l'héritage que nous laisse Montaigne. Et on va y revenir sur ces essais dans quelques minutes. Mais d'abord, un petit mot sur lui, sur son parcours, sur ses origines. En quelques mots, qui est donc Montaigne? Alors, de son vrai nom, Montaigne s'appelait Michel Ekem. Il est né en 1533 dans le sud-ouest de la France, près de Bordeaux, sur la seigneurie de Montaigne. En fait, hein, Montaigne, c'est le nom de sa seigneurie. Ce n'est pas son nom de famille au sens strict. Il vient d'une famille de la petite noblesse récente et il a été dans sa première vie un magistrat au Parlement de Bordeaux de 1556 à 1570. À l'âge de 37 ans, il décide de prendre sa retraite, hein, il résigne sa charge et on a l'impression qu'après, donc, il ne fait rien d'autre que se consacrer à la lecture de ses auteurs préférés, les auteurs de l'Antiquité en particulier, et se consacrer aussi à l'écriture de ses essais. En fait, ça, c'est une espèce d'impression que nous donne la lecture des essais. En réalité, Montaigne n'arrête pas du tout de travailler, il continue à jouer un rôle politique, notamment comme maire de Bordeaux de 1581 à 1585 et aussi auprès des rois Henri III, Henri IV. Il va en fait s'occuper d'un certain nombre de missions diplomatiques dans le contexte des guerres de religion qui font rage dans la deuxième moitié du 16e siècle. Et Montaigne a cette particularité d'avoir la confiance aussi bien des catholiques que des protestants. Comme il l'écrit dans ses essais, il vit au beau moyeu, c'est-à-dire au beau milieu de ces guerres entre catholiques et protestants. Lui-même reste catholique, mais une partie de sa famille se convertit au protestantisme. Et ce que je pense que c'est ce qui lui permet finalement d'être en quelque sorte en confiance avec les uns et les autres. Il meurt finalement en 1592, donc à Montaigne. Ouais. Homme de son temps, témoin de son temps, mais aussi, ça c'est intéressant, on y reviendra, mais acteur également de son temps. Revenons sur ses activités d'écriture. Évidemment, les essais qui prennent beaucoup de place, vous le disiez il y a un instant, mais pas que ça. Il va écrire autre chose que les essais. Effectivement, on oublie un peu le reste de l'œuvre de Montaigne, tant les essais occupent une place centrale, mais c'est aussi quelqu'un qui va, par exemple, éditer entre autres les œuvres de son ami qui meurt très jeune, à l'âge de seulement 32 ans, en 1563, Étienne de la Boétie. Il va également, comme Étienne de la Boétie, son ami, être un traducteur. Il va traduire un traité de théologie naturelle de Raymond Sebon, un théologien catalan du 15e siècle. Et la préface à cette traduction qu'il va faire à la demande de son père, il va la reprendre dans ses essais. Ça va constituer le chapitre 12 du livre 2 de ses essais, un essai très important, l'Apologie de Raymond Sebon. Il est également l'auteur de lettres qui n'étaient pas destinées à être publiées et aussi d'un journal de voyage qu'il entreprend au début des années 1580 qui va le mener en Allemagne, en Suisse et en Italie. Et on va retrouver de façon tout à fait par hasard au 18e siècle dans un coffre au château de Montaigne le manuscrit de ce journal de voyage. Ah bon. Revenons à ses essais quand même parce qu'on va consacrer une bonne partie de l'émission à ce classique qu'écrit Montaigne. D'abord, de quoi parlent les essais? Pourquoi ce titre, d'ailleurs? Oui. Alors, en fait, les essais, ce sont de courts textes réflexifs qui portent sur une infinité de sujets, des sujets les plus triviaux aux sujets les plus philosophiques. Alors, Montaigne aborde tour à tour des questions comme, par exemple, la manière de prier, l'ivrognerie, les lois somptuaires, les livres, les cannibales et des thèmes donc plus philosophiques, je le disais il y a un instant, comme l'incertitude de nos jugements ou l'inconstance de nos actions. Mmh. Alors, en fait, en lisant les essais, la première impression qui se dégage, c'est une extrême variété. Une extrême diversité. On a l'impression que c'est un livre éminemment disparate. Mais en réalité, derrière tout ça, il y a bel et bien une cohérence, il y a bel et bien un fil conducteur. Et ce fil conducteur, c'est précisément le titre d'essai, en fait. Comme je le disais en introduction, le genre n'existe pas encore. C'est Montaigne qui l'invente à partir de 1580. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il intitule son recueil d'essais essai? Bien, c'est justement parce que c'est un terme qui est intéressant. Il utilise le mot dans à peu près toutes ses définitions, toutes ces acceptions au 16e siècle. Les essais de Montaigne, mais en fait, ce sont des exercices, ce sont des mises à l'épreuve, ce sont des expérimentations, des évaluations du monde, de lui-même, de la pensée des auteurs de l'Antiquité qu'il affectionne, toujours à la lumière de sa propre expérience personnelle. Et d'ailleurs, le chapitre final qui constitue donc le chapitre 13 du livre 3 s'appelle « De l'expérience » et d'une certaine façon, c'est son discours de la méthode. Bien sûr, Montaigne n'est pas un philosophe méthodique comme Descartes, mais il expose en quelque sorte sa démarche philosophique dans ce chapitre final qui couronne les essais. Ouais, et les essais, c'est ça, de fait, c'est la description de sa démarche globalement dans la façon dont il écrit, la façon dont il réfléchit avec nous. Parce que c'est un petit peu ça aussi, lire Montaigne, c'est de raconter, nous accompagne, réfléchit avec nous. Vous parlez de Descartes, on revient à la question philosophique. On entendait au tout début de l'émission deux grands philosophes français parler de Montaigne comme d'un philosophe, justement. Et pourtant, Claude Lacharité, ça fait débat. Ça a fait débat dans le passé et ça continue de faire débat. On se demande, est-ce que Montaigne est vraiment un philosophe? Quelle réponse apporter à cette question? Bien, j'ai envie de faire une réponse mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire à la fois non et oui. Montaigne n'est pas un philosophe au sens officiel du terme, au sens où il n'enseigne pas la philosophie à l'université. Et Montaigne est un peu même allergique à la philosophie universitaire telle qu'elle s'enseignait à la Renaissance, parce que la philosophie officielle, c'est surtout l'aristotélisme, la philosophie d'Aristote, qui repose essentiellement sur la logique. On cherche à trouver la vérité à force force de raisonnement logique et notamment de syllogisme. Et pour Montaigne, tout ça est absolument vain parce que c'est coupé de la vie et de la nature. Mais on peut aussi considérer que Montaigne, oui, est bel et bien un philosophe par sa posture qui consiste à exercer constamment son jugement critique à la lumière de son expérience. Et lui-même, dans ses essais, au livre 2, chapitre 12, considère qu'il est un philosophe imprémédité et fortuit. Je trouve que la formule est magnifique et ça rend bien compte justement de cette démarche. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'a pas cherché à être philosophe, mais qui, à force, en quelque sorte, de refuser de s'en tenir aux idées reçues, aux apparences, aux conventions, il est devenu, par la force des choses, une sorte de philosophe par l'exercice constant de son jugement critique. Donc, puisqu'on semble lui reconnaître ce titre et lui-même de philosophe, avec certaines nuances, parlons un petit peu de sa vision du monde. Comment on pourrait la décrire, cette philosophie de Montaigne? Oui, effectivement. Donc, Montaigne, ça n'est certainement pas un philosophe systématique. Donc, ça n'est pas quelqu'un qui adhère à un seul système philosophique qu'il considérerait comme le bon et le seul possible. C'est plutôt quelqu'un qui pratique une sorte de syncrétisme. Hein? Il emprunte à toutes les écoles de l'Antiquité. Il s'intéresse également à Aristote, à Platon, à Pythagore, à Héraclite. Mais surtout, il est marqué par deux courants philosophiques de l'Antiquité qui connaissent une ferveur exceptionnelle à la fin du 16e siècle. Le stoïcisme, d'une part, et le scepticisme, d'autre part. Et s'il fallait à tout prix choisir une école, même si c'est un peu contraire à la démarche de Montaigne, bien, l'école dans laquelle il se reconnaît le plus, c'est certainement le scepticisme, parce que Montaigne, c'est un philosophe du doute, mais du doute radical. C'est quelqu'un qui croit qu'il est impossible de fonder nos connaissances en nature ou en raison, mais il est à ce point sceptique qu'il doute, y compris de ce doute. Hein? Donc, il remet en question perpétuellement ce doute qui est un petit peu à la base de sa démarche philosophique, tant et si bien qu'il est engagé dans une sorte d'enquête perpétuelle qui ne connaît aucune fin. Et Montaigne, dans sa bibliothèque qui se trouvait dans la tour d'angle de son château à Montaigne, avait fait inscrire une très belle devise sur une des poutres au plafond qui est « Que sais-je? Hein? »« Que sais-je? » avec un point d'interrogation. Et évidemment, ça nous fait penser au titre d'une collection aux presses universitaires de France. Mais avant d'être cette collection, c'était peut-être surtout la devise philosophique de Montaigne. Un petit mot sur le style de Montaigne. Lire Montaigne, c'est basculer entre l'autoportrait, hein, il parle beaucoup de sa vie, et le questionnement philosophique. Comment définir son style? Je reviens à cette appartenance ou pas à la philosophie. Est-il d'abord philosophe? Ça, c'est un autre débat. Ou littéraire? Oui, effectivement. Je pense que les deux camps, hein, les philosophes et les écrivains, essaient de s'approprier Montaigne depuis déjà très longtemps, mais à mon avis, c'est un faux dilemme. Hein. Montaigne est à la fois écrivain et philosophe. C'est justement une de ses originalités et c'est ce qui fait l'intérêt de ses essais. Au fond, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui essaie d'exercer son jugement critique à la lumière de son expérience personnelle. Hein. Sa philosophie, c'est une philosophie qui est vécue, qui est vivante, qui est incarnée, qui est vibrante. Et ça suppose donc de se constater recourir à sa propre expérience personnelle et à se mettre en scène, à se peindre comme dans un autoportrait. Il a écrit un très beau texte qui sert d'introduction à ses essais, « L'avis au lecteur », qui commence par la formule célèbre « C'est ici un livre de bonne foi, lecteur ». Et dans ce livre, dans ce texte liminaire, Montaigne explique qu'il a voulu faire un livre pour ses proches et ses amis de manière à ce qu'ils puissent se souvenir de lui lorsqu'il sera disparu. Il explique aussi que c'est un livre qu'il a écrit sans avoir aucun égard pour sa propre gloire, ni pour l'utilité de ses lecteurs. Et enfin, il explique qu'il a cherché à se représenter de la manière la plus simple qui soit. Dans son plus simple appareil, il aurait aimé pouvoir se représenter tout à fait nu, comme ces autochtones découverts récemment dans le Nouveau Monde. Et c'est vrai que Montaigne multiplie les détails qui peuvent paraître extrêmement troublants pour nous. Par exemple, il nous donne des détails très intimes sur la taille modeste de son sexe, par exemple, ou encore de sa propension à être précoce dans les relations intimes. Hein. C'est le genre de choses qu'on ne trouverait certainement pas sous la plume d'un philosophe aujourd'hui. Mais ce n'est pas de l'exhibitionnisme. Hein. Montaigne, en fait, veut toujours réfléchir à partir de son expérience personnelle et ça participe de son exigence philosophique. Ouais. Philosophe, auteur, il observe donc la société dans laquelle il vit. Il parle beaucoup de sa propre expérience. Mais vous l'avez dit au tout début de l'émission, c'est aussi quelqu'un qui participe à son époque. C'est un homme d'action à qui on va parfois même confier des missions politiques. On écoute la biographe de Montaigne, Madeleine Lazare, nous parler de cette dimension plus politique, justement, de Montaigne à l'émission Au fil du temps, en 1973. Il a travaillé pendant, je crois, toute sa carrière, cette période d'activité politique au rapprochement entre Henri III et Henri IV. Et ce rapprochement, il l'a tout de même vu. Il l'a vu mais il n'a pas vu la pacification du royaume. Et la preuve que les grands ont énormément attaché d'importance à Montaigne et se sont fiés à lui, c'est que aussi bien Catherine de Médicis que Henri III pour lequel il n'a pas une sympathie débordante, Henri IV pour laquelle il a vraiment beaucoup d'amitié et qui le lui rend, et même la reine Margot, c'est-à-dire la première femme d'Henri IV, ont été des gens qui estimaient infiniment Montaigne pour sa franchise, mais aussi, il faut bien le dire, aussi pour son sens de la diplomatie, car il a su jouer un rôle d'intermédiaire. Il a toujours été intermédiaire, ce qui est une tâche à la fois périlleuse, mais aussi où il est difficile souvent de rester vraiment, sinon neutre, au moins impartial. Alors, quelle importance a Montaigne politiquement, Claude Lacharité, et où se situe-t-il lui-même politiquement? Alors, c'est une question complexe. En fait, Montaigne considère que le monde dans lequel on vit est d'abord caractérisé par le mouvement, le changement, la transformation perpétuelle. Il utilise d'ailleurs une très belle métaphore, celle de la branloire pérenne, c'est-à-dire de la balançoire perpétuelle, qu'il emploie donc au livre 3, chapitre 2. Et en fait, ça exprime bien donc cette idée d'un Montaigne en mouvement, pour reprendre le titre d'un livre de Jean Starobinski de 1982. Et comme tout bouge tout le temps, bien, en fait, il faut avoir en quelque sorte des points d'ancrage. Et pour Montaigne, qui vit une période particulièrement troublée, celle des guerres de religion, il considère que la nouveauté est toujours dangereuse, la nouveauté du protestantisme, entre autres, et qu'il vaut mieux, en fait, plutôt s'en remettre à l'ordre établi. Non pas parce que l'ordre établi est légitime ou fondé en raison ou en nature, mais tout simplement parce qu'il a fait, en quelque sorte, ses preuves en réussissant l'épreuve du temps. C'est pour lui, donc, une manière, en quelque sorte, de donner un petit peu de stabilité dans un monde qui est constamment en train de bouger. Ce qui fait de Montaigne une sorte de conservateur, ouais, je dirais, par défaut. Mais il faut faire attention de ne pas voir Montaigne comme un conservateur caricatural. Hein. C'est d'abord un penseur extrêmement anticonformiste dans son temps. C'est quelqu'un qui, par exemple, va faire preuve d'une exceptionnelle ouverture d'esprit sur beaucoup de questions. Il va condamner la torture à une époque où peu de gens le font encore. C'est quelqu'un qui va, par exemple, prêcher pour la tolérance. Et c'est quelqu'un aussi qui va avoir un regard tout à fait étonnant sur les autochtones du Nouveau Monde, oui, au point même de fonder peut-être l'anthropologie, donc cette discipline qui n'apparaîtra que bien plus tard, mais le regard qu'il porte sur les autochtones fait beaucoup penser à l'anthropologie. Et ce qui n'est pas rien, on parle d'une époque où à peu près personne s'intéresse à cette question. Oui, tout à fait. Effectivement, Montaigne a comme ça une curiosité qui l'amène à aborder toutes sortes de questions qui n'intéressent pas forcément ses contemporains. Ouais. On revient, avant de terminer cette émission, sur ces fameux essais, les essais de Montaigne, sur le contexte dans lequel il va les écrire, ce qui va aussi nous amener à parler dans un instant de l'amitié profonde qui va le lier à Étienne de la Boétie. Quelle importance a cette amitié? On en parle donc dans un instant, mais d'abord, on écoute le professeur de littérature Robert Melançon rappeler au micro de Stéphane Lépine le contexte dans lequel Montaigne se lance dans l'écriture de ses célèbres essais, extrait de l'émission Le Temps perdu, diffusée en 1997. Ce n'est pas une œuvre de réclusion, parce que, bon, Montaigne s'est retiré, mais il ne s'est pas enfermé. Il a beaucoup voyagé. Il a beaucoup voyagé. D'ailleurs, dès qu'il, immédiatement après la publication de la première édition des essais, il se part en voyage. Mais si on revient à cette retraite, effectivement, il suit la mort de son ami La Boétie et ça permet de comprendre que son livre soit un livre de dialogue, un dialogue avec soi. Ouais, un entretien, ouais, avec soi. Parce que la mort de La Boétie le prive de l'interlocuteur qu'il avait. Ouais. L'amitié avec La Boétie lui donnait la possibilité de parler avec quelqu'un et de se reconnaître lui-même dans cet interlocuteur qui était l'ami privilégié. Hein. Et les essais tentent de remplacer l'ami perdu. De recréer le dialogue. Oui, de recréer ce dialogue. Alors, quelle importance a Étienne de la Boétie dans la vie et dans l'œuvre de Montaigne, Claude Lacharité? Bien, c'est tout à fait central, en fait. Comme je le disais tout à l'heure, cet ami, il va le perdre très rapidement. En fait, la Boétie va mourir à l'âge de seulement 32 ans, en 1563. Et Montaigne, en fait, va consacrer tout un chapitre, le livre 1, chapitre 27, à la question de l'amitié. Cet essai s'intitule précisément « De l'amitié ». Il évoque cette amitié exceptionnelle qu'il a connue avec la Boétie, d'une force exceptionnelle, exceptionnelle, d'autant plus étonnante que finalement, ça a été une amitié relativement courte, hein, de quelques années simplement. Mais Montaigne nous explique que la durée ne change rien à l'affaire. Hein. Ce qui est important, c'est la qualité de cette amitié. Il nous dit que c'est une amitié telle qu'on n'en voit qu'une à tous les 300 ans, plus ou moins. Hein. Et comme d'habitude, donc, Montaigne évoque ce détail autobiographique, non pas simplement par complaisance par rapport à la personne qu'il est, mais là encore pour faire l'exercice de son jugement critique à la lumière de son expérience. Il va essayer de trouver chez les auteurs de l'Antiquité, en particulier Cicéron, qui a lui-même écrit un essai de l'amitié, ce qui explique finalement hein, cette relation d'une intensité exceptionnelle. Et finalement, il va s'apercevoir que derrière toutes les belles idées de Cicéron, d'Aristote, des auteurs de l'Antiquité, il ne trouve rien qui explique justement le caractère tout à fait étonnant, singulier de cette amitié qu'il a unie à Étienne de la Boétie. Et il va employer une très belle formule pour justement résumer, expliquer l'inexplicable. Hein. C'est un des morceaux de l'anthologie des essais de Montaigne, hein, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Hein. C'est, je dirais, l'explication de cette amitié aussi brève que très intense. L'une de ses pensées qui va se retrouver plus tard dans toutes sortes de cartes de souhaits, ou enfin, ça c'est devenu très connu, ce passage-là, cette citation. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un peu évoqué dans l'extrait, mais il va dire Montaigne lui-même, je pense qu'il va reconnaître que il n'aurait probablement pas écrit les essais si son ami de la Boétie avait survécu. Effectivement, hein, il suggère clairement l'idée que si finalement la Boétie n'était pas mort prématurément, il se serait contenté d'entretenir une correspondance nourrie avec cet ami. Hein, et que l'écriture des essais, c'est comme une manière, finalement, de prolonger ce dialogue avec cet ami trop tôt emporté par la mort. Il nous laisse en héritage, bien sûr, ce morceau colossal, les essais, mais sinon, qu'est-ce que nous laisse en héritage Montaigne? Mais je pense qu'il nous propose finalement une manière de penser, hein, une manière d'être et de penser, une invitation à exercer en perpétuité ou perpétuellement notre jugement critique à la lumière de notre propre expérience. Et je crois que c'est un changement radical. Hein. Avant lui, on s'en remettait beaucoup à la sagesse des livres, des anciens, de la tradition, de l'autorité. À partir de Montaigne, on va aussi beaucoup fonder le savoir, la sagesse, la connaissance sur l'expérience personnelle. Et pour boucler la boucle, aujourd'hui, il est plus étudié dans les départements de littérature ou dans les départements de philosophie? Je pense que malheureusement, le débat ne sera pas réglé de sitôt parce qu'effectivement, et les philosophes et les écrivains cherchent en quelque sorte à s'emparer de Montaigne et il y a en fait une espèce d'effervescence exceptionnelle. Hein. Le nombre de livres, d'articles, d'ouvrages qui paraissent chaque année chez Montaigne, c'est proprement étourdissant et pas uniquement en français, dans toutes les langues. Claude Lacharité, c'était passionnant de vous entendre, écrivain, professeur de lettres à l'Université du Québec à Rimouski. Merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.